Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un. Tu dois avoir du respect pour tes parents, même si Dieu t'a béni, quelle que soit l'élévation. Tu dois toujours reconnaître les parents. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu prospères. » Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Psaume 39. Chaque matin je m'élève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 39, du premier verset au verset 14. Au chef des chantres, à Jedutum, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Détourne de moi les regards, et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Il y a trois vérités que je vais partager avec vous. Première vérité, veillons à nos paroles de peur de pécher par la langue. Nous devons apprendre comme David à discipliner notre langue. Mon frère, discipline ta langue. Ton problème, c'est que tu parles beaucoup, tu murmures beaucoup, tu critiques les autres. Il y a beaucoup de péchés que nous commettons par la langue. David dit au verset 2, « Je mettrai un frein à ma bouche. » Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, verset 3. Surtout lorsque nous sommes en face de nos ennemis. C'est pourquoi David ajoute, tant que le méchant sera devant moi, verset 2. Lorsque par exemple tu es dans une réunion, là où tu travailles, tu sais qu'il y a des gens qui sont allergiques, les gens qui sont hostiles à toi. Mon ami, ils vont te piéger, ils vont te provoquer, mais sois sage. Je vais parler à une dame, tu es mariée, tu as chaque fois des problèmes avec ta belle-famille. Quand tes belles-sœurs viennent, elles te provoquent, mais elles cherchent à prendre chez toi des paroles que tu vas dire. Donc c'est pourquoi tu dois te contenir, parce que quand tu ne sais pas te contenir, tu es énervé, tu es irrité, tu commences à insulter, tu commences à dire beaucoup de choses, c'est à partir de tes paroles qu'on va t'accuser. La Bible dit par ta parole, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Apprends à mettre un frein, même si tu sens que dans ton cœur ça brûle, sois sage, apprends à contrôler tes paroles. L'apôtre Jacques aborde ce même sujet en démontrant les dégâts que peuvent produire notre langue si nous ne savons pas la dompter. La langue est un petit membre, mais elle ressemble à un petit feu qui peut embraser une grande forêt, dit Jacques, chapitre 3, verset 6. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, verset 19. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je parle à un père. Un père ne doit pas dire n'importe quoi. Un père n'est pas là pour maudire les enfants. Lorsque tu maudis les enfants, ça va se répercuter sur toute la famille. Tu ne dois pas prononcer des malédictions contre les enfants. Notre ministère ne consiste pas à maudire, mais notre ministère consiste à bénir. Deuxième vérité, exprimons nos douleurs à Dieu dans la prière. Lorsque tu sens une douleur, tu as des problèmes qui te tracassent, tu dois apprendre à l'exprimer à Dieu dans la prière. Si David a gardé le silence en face de ses ennemis, il a exprimé néanmoins sa douleur à Dieu. C'est pourquoi il dit « Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue ». Verset 4. Voici certaines questions que David a posées à Dieu. « Dis-moi quel est le terme de ma vie ? Quelle est la mesure de mes jours ? Que je sache combien je suis fragile. » Au verset 5. En posant cette question ou ces questions, David réalise la brièveté de la vie et sa fragilité. Il réalise que ses jours sont comme la largeur de la main et tout homme n'est qu'un souffle qui peut s'envoler. C'est ce qu'il dit au verset 6. Tout ce que l'homme peut amasser sur la terre restera un jour, car il est mortel. Verset 7. Je veux dire à quelqu'un, mon ami, c'est vrai, tu cherches à accumuler de l'argent, des comptes bancaires. Tu peux aller en voyage, tu peux vraiment sortir avec toutes les femmes du monde, mais tu dois néanmoins savoir que tu es mortel et que tu dois préparer ton éternité, où tu vas passer ton éternité. Tout ce que l'homme peut amasser sur la terre restera un jour, car il est mortel. Pendant que David réalise sa fragilité et la brièveté de ce jour, il comprend qu'il devrait se confier plutôt en Dieu au lieu de se confier dans les richesses. C'est pourquoi il dit au verset 8, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance ?» En toi et mon espérance. Troisième vérité, implorons le Seigneur lorsqu'il nous châtie à cause de nos péchés. Oui, nous l'avons déjà dit dans les psaumes précédents, que Dieu châtie ceux qu'il aime. Quand tu es son fils, sa fille, et que tu vis dans le péché, c'est vrai, il t'aime. Parce qu'il t'aime, il ne peut pas te laisser demeurer dans le péché. Il va te châtier. Le châtiment là peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une maladie où tu es couché, alité pendant des mois, des semaines. Le châtiment, ça peut être aussi la perte de ton emploi. Lorsque tu travaillais, tu avais un bon salaire. Mais au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, au lieu de marcher dans la sanctification, l'argent t'a fait tourner la tête au point où tu as commencé à dépenser l'argent dans des futilités, dans la boisson, dans l'immoralité sexuelle pour soutenir les œuvres profanes. Et Dieu n'était pas d'accord et il a perdu. Il a permis que tu perdes ton emploi. Ça peut être un châtiment pour toi, pour te corriger. David reconnaît encore une fois ses péchés devant Dieu et l'implore afin qu'il en délivre. Au verset 9, il dit « Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. » Il utilise plusieurs expressions qui démontrent que Dieu l'avait puni à cause de ses péchés. Il dit « Détourne-moi de tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. » Au verset 11. Il dit aussi, « Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. » Verset 12, il dit, « détourne de moi tes regards et laisse-moi respirer. » Verset 14, ça veut dire quand Dieu commence à te châtier, à un moment tu sens comme si tu as des difficultés pour respirer, c'est-à-dire que tu as des problèmes par-ci, tu as des problèmes par-là. C'est Dieu qui est en train de te serrer pour que tu apprennes à te repentir. Très souvent, nous pensons que lorsque nous vivons des moments difficiles, nous sommes attaqués par l'ennemi. Nous devons reconnaître que certaines difficultés que nous traversons sont un châtiment divin dû à nos péchés. Dieu agit parfois comme s'il était notre ennemi, alors qu'en réalité, il est fait comme un père qui châtie ses enfants qu'il aime. Oui, c'est pourquoi ici, David dit au verset 11, « Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. » Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui,

Il mérite la gloire, il mérite la puissance. Élevons tous ensemble nos voix, glorifions son Saint-Nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la Nationale des Églises Protestantes Évangéliques de Côte d'Ivoire, Radio Fréquence Vie. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. OSB est une prière matinale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ceux qui aimeraient suivre en direct, il suffit d'être connecté sur la Radio Fréquence Vie à partir de 5h du matin. Ceux qui reçoivent par WhatsApp, vous pouvez aussi partager avec des amis et connaissances partout dans le monde pour qu'eux aussi puissent être connectés au ciel dès le matin, pour recevoir la grâce et la bénédiction divine. Aujourd'hui, nous prions en nous basant sur le psaume 39. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la maîtrise de notre langue et que nous nous gardions des paroles qui peuvent détruire les autres. Si tu te rends compte que tu as péché par ta langue, par des mensonges, par des paroles de malédiction, par des murmures, des injures, demande pardon au Seigneur et prie pour que Dieu t'aide à discipliner ta langue. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Ce matin, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci parce que nous savons que c'est vers toi que nous trouvons notre réconfort. C'est vers toi que nous trouvons notre refuge. Nous prions ce matin et nous te demandons, Père, de nous aider dans nos faiblesses. Aide-nous à exercer la maîtrise sur notre langue. Nous prions et nous prenons autorité sous toute forme de mauvais usage de notre langue. Fais en sorte, Père, que nous puissions tenir notre langue en bride afin de pouvoir toujours dire ce qui est conforme à ta parole. Nous prions contre toute forme de calomnie. Nous prions contre toute forme de parole déshonnête. Nous prions au Père et nous prenons autorité sur ces différentes tendances. Nous assujettissons toute pensée négative. Nous les rendons captifs au Père éternel. Merci parce que nous savons que tu nous donnes cette maîtrise-là. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, fais en sorte que nos paroles soient toujours des paroles de témoignage, soient toujours des paroles d'encouragement, soient toujours des paroles d'exhortation et d'édification, afin que nous puissions être toujours des enfants de Dieu modèle. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes, afin que nous ne puissions pas dévier dans nos propos, dans notre langage. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour exprimer à Dieu nos difficultés et nos douleurs. Nous venons de voir que David a exprimé à Dieu ses douleurs. Il a ressenti des douleurs, des problèmes, des difficultés. Il a fait sentir à Dieu dans la prière. Toi aussi, je ne sais pas quelles sont tes difficultés, quels sont tes problèmes. Oui, ne garde pas cela. Tu vas dire au Seigneur, voici mes problèmes, voici mes difficultés. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, élévation à toi, acclamation à toi, puissance à toi. Merci ce matin, parce que c'est vers toi seul que nous pouvons venir pour avoir solution à nos problèmes. Parce que tu es notre abri, tu es notre haute retraite, tu es notre rocher, tu es notre appui, notre Dieu, notre puissant guerrier, notre Goël. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et je vais prendre soin de vous. Seigneur, c'est vers toi seul qui nous comprend, toi seul qui nous a créés, toi seul qui a le pouvoir de nous donner la paix du cœur, la joie. Tu es Yahweh Shalom. Nous sommes endettés. Nous souffrons, nous sommes malades, nous avons des problèmes de foyer, des problèmes, notre Dieu, pour scolariser nos enfants. Nous n'avons pas de travail et nous sommes endettés, nous souffrons moralement, nous n'arrivons plus à dormir, ta parole n'a plus d'effet sur notre vie. Nous venons à toi pour te supplier, pour t'implorer, pour gémir à tes pieds et te dire de nous secourir, de nous exaucer, de nous délivrer, de venir notre Dieu maintenant même à nos côtés et nous décharger de ces soucis-là. Nous comptons sur toi. Nos mains sont levées vers toi. Agis maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous délivre de nos péchés et implorons-le afin qu'il mette fin à tout châtiment que nous aurions subi à cause de nos péchés. Si tu te rends compte que la maladie dont tu souffres là a pour origine un péché que tu as commis, parce que tu as fait des avortements, parce que tu as pratiqué l'occultisme, parce que tu es entré dans la compromission, tu vas d'abord demander pardon au Seigneur et tu vas implorer sa grâce pour dire, Seigneur, délivre-moi de ce châtiment. Je reconnais mes péchés, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous nous approchons de toi parce que tu nous as donné l'occasion. Jésus-Christ, ton Fils, a payé le prix afin de venir à toi, car tu as les paroles de la vie. Nous voici, Seigneur, dans ce péché de l'avortement. Nous pratiquons l'occultisme. Beaucoup parmi nous sont des voleurs, des mesquins. Beaucoup trompent, vivent dans la tromperie. Beaucoup sont méchants, endurcis de cœur. Beaucoup réellement ne te connaissent pas, n'ont pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup parmi nous, ô Dieu, sont ingrats. Beaucoup refusent même d'aider leurs enfants. Beaucoup renient leurs enfants et sont prêts même à abandonner le foyer, sont prêts à abandonner le domicile conjugal à cause d'une frustration. Ils ne prennent pas la responsabilité en tant que père. Oui, certaines femmes aussi refusent le pardon et donnent accès au diable. Beaucoup sont donc frustrés. Beaucoup sont sous le joug du péché, sous le fardeau constant du diable. Et le diable nous manipule. Mais par ma voix, nous crions à toi. Le Dieu de délivrance, viens nous délivrer de ce péché. Viens nous délivrer de toutes ces œuvres mortes que nous pratiquons. Nous reconnaissons notre faiblesse. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Esprit du Dieu vivant, merci, merci et merci de faire ton œuvre à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.